Il est parti en emportant ses secrets, comme on dit dans les mauvais feuilletons. Mais ces fantômes, eux, sont restés dans l'ex-Yougoslavie. 200, peut-être même 300 000 morts et 3 millions de personnes déplacées. Je veux bien sûr parler de Slobodan Milosevic, mort en mars 2006 dans sa cellule du TPI, le Tribunal Pénal International. Milosevic, à qui l'on ne pourra donc plus demander de compte sur les crimes de guerre qu'il a commis, ou en tout cas, qu'il était présumé avoir commis. Certes, l'ancien président yougoslave ne porte pas la responsabilité directe de tous les massacres, viols et déportations, mais ils ont souvent été perpétrés en son nom. Et surtout, la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il en est l'instigateur dans la mesure où c'est sa politique qui a conduit à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, cet espace des Slaves du Sud, ainsi que nous l'apprend l'étymologie. Mais cette région européenne n'était-elle pas vouée à une perpétuelle division, une malédiction qui semblait la poursuivre de siècle en siècle? Ou bien a-t-elle été victime de la folie des hommes, de quelques hommes parmi lesquels Slobodan Milosevic? Et quelle est la responsabilité de la communauté internationale qui a laissé se perpétuer si longtemps ce conflit d'un autre âge? Monsieur X revisite donc l'histoire récente de cette région si agitée et, comme à son habitude, il propose sa propre interprétation des événements que nous connaissons. La tentation de la division est quasiment naturelle dans les Balkans, à tel point qu'il a fallu inventer un mot pour la désigner. Mais la balkanisation. En effet. Pour autant, disons-le tout de suite, ça n'excuse ni les uns ni les autres, car l'implosion de l'ex-Yougoslavie au tout début des années 90 succède après d'un demi-siècle de paix. Oui, la Yougoslavie sous la férule du maréchal Tito. Vous avez raison de parler de férule. Car après les déchirements de la Seconde Guerre mondiale, Tito a imposé la paix d'une main de fer. Un régime très autoritaire. Et même stalinien. Au moins pendant les trois premières années du règne du maréchal. Oui, ensuite ça s'est assoupli. Peu à peu, oui. Et voyons ça dans le détail, si vous le voulez bien. D'abord, il faut dire que la Yougoslavie n'est pas née sous Tito. Elle existait avant. Oui, je me souviens bien, elle a été créée après la guerre de 14-18. Hein. Sur les ruines de l'Empire des Habsbourg. Il ne faut jamais oublier que c'est l'attentat de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. L'assassinat de l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand. Par un Serbe, oui. Assassinat qui, par le jeu des alliances, est à l'origine du déclenchement de la Grande Guerre. Mais ne remontons pas trop loin. Donc, la paix revenue. Les alliés encouragent la création d'un ensemble stable dans cette région traditionnellement turbulente. Et ce sera le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Un État démocratique et parlementaire placé sous la tutelle des Karadjordjevic. D'abord Pierre Ier de Serbie, puis son fils Alexandre. Ça ne va pas s'en poser pas mal de problèmes avec les pays voisins qui voudraient tous grignoter un morceau du nouveau royaume. Enfin, passons. Et à l'intérieur? Ah, ce n'est pas non plus très facile, parce que les Croates, en particulier, refusent le centralisme imposé par Belgrade. Donc par les Serbes. Et déjà, ça gronde au Kosovo, où les Serbes, toujours eux, imposent à la population une vraie colonisation. Une population qui, il faut le rappeler, est majoritairement d'origine albanaise. Et par conséquent, non slave. Et aussi de religion musulmane. Et ça, c'est un facteur aggravant. Oui, oui, parce que les particularismes religieux sont d'autres éléments de division. Les Serbes sont orthodoxes, les Croates sont catholiques, et puis il y a ces musulmans. Pas tous d'origine albanaise. En Bosnie-Herzégovine, par exemple, ils sont slaves. Il convient en outre de noter qu'il n'existe pas de territoires homogènes. En Serbie, on trouve des Croates. Oui, en Croatie, des Serbes. Et le territoire bosniaque est le plus hétérogène, puisque musulmans, Serbes et Croates y cohabitent. Un vrai puzzle. Il faudra encore ajouter nombre d'autres minorités, les Valaques, les Hongrois, les Tziganes, les Turcs. Bon, autant vous dire que ce n'est pas un pays facilement gouvernable. C'est si vrai qu'en 1929, le roi Alexandre renverse le Parlement et décrète la dictature. Le royaume des Serbes, Croates et Slovènes devient alors le royaume de Yougoslavie. Mais est-ce que ce coup d'État met fin à l'opposition croate? Ah ben bien au contraire. Avec la complicité de Mussolini, un parti croate d'extrême droite est créé par un certain Ante Pavelić. Le parti des Oustachis. En effet. Oui. Et ce sont des Oustachis qui vont assassiner le roi Alexandre lors d'une visite qu'il effectue en France. Oui, à Marseille, où il vient tout juste de débarquer. C'est ça. Et il faut signaler que les Serbes bénéficieront toujours d'un préjugé favorable dans notre pays. Oui, parce qu'ils ont été nos alliés lors de la Grande Guerre. Hein. Et qu'ils se rangeront dans le camp anti-nazi lors du conflit mondial suivant. Si j'insiste sur ce point, c'est que la France a souvent été accusée d'être partiale. Pro-Serbe, hein? Et votre avis? Il y a des sympathies qui ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mais c'est vrai que lorsque c'est un Milosevic qui est à la barre, on se doit de rester prudent. Mais on ne l'a pas assez été, hein? Pas vraiment. Même au sommet de l'État, mais c'est surtout dans l'armée, au plus haut niveau, que certains ont vraiment eu du mal à oublier que les Serbes avaient été nos alliés. Toutefois, je poursuis. La Seconde Guerre mondiale va encore accroître les divisions. Tandis que la petite armée yougoslave est incapable de s'opposer aux forces armées des puissances de l'Axe. Les Croates, les plus extrémistes, en profitent pour créer leur État. Un État totalitaire. Et allié aux nazis allemands et aux fascistes italiens. Ça, c'est le gouvernement Ustaši de Pavelić. Hein. Qui va perpétrer de nombreux massacres de Serbes. Et déjà, sans que le mot soit prononcé, c'est à une véritable purification ethnique qu'il est procédé. Mmh. Oui, mais en face... En Serbie occupée, ouais. Deux forces anti-nazis voient le jour. Les Tchetniks du général Mihailovic, un Serbe demeuré fidèle au roi en exil. Et surtout les partisans du futur maréchal Tito qui mène une lutte courageuse contre l'occupant. Et contre les Croates, hein. Il est certain qu'on ne se fait pas de cadeaux entre les deux camps. Et que Tchetniks et partisans ont eux aussi pratiqué des exactions. Mais rien à voir avec les massacres commis par les Ustaši. Il faut aussi souligner... que dans les rangs des partisans de Tito, on trouve un éventail de nationalités. Au fond, c'est dans le combat que Tito ébauche ce qui sera la future Yougoslavie. Alors un mot rapide, hein, peut-être, sur Tito. Volontiers. Tito, qui s'appelait en réalité Josip Broz, est né en Croatie d'un père croate et d'une mère slovène. C'est-à-dire qu'il était une illustration vivante de la mixité yougoslave. Et c'est très important, car Tito n'aura de cesse... de prêcher la solidarité et la fraternité entre tous ces peuples qui vont composer la future Yougoslavie socialiste. Et sa vie ? Elle est aventureuse et reflète bien le destin de ces jeunes gens nés avant la fin du XIXe siècle et qui ont été ballottés de nationalité en nationalité et qui concevront donc une hostilité instinctive envers les nationalismes. Ouvrier en Slovénie puis en Allemagne, Tito est mobilisé avant la Grande Guerre dans l'armée autrichienne et il est capturé par les Russes. C'est la chance de sa vie, parce qu'il va participer à la révolution d'octobre et adhère même au parti communiste de l'URSS. Pourquoi une chance? Parce qu'il rencontre de nombreux dirigeants bolcheviques. Il revient ensuite dans son pays où il devient un militant ouvrier actif, ce qui lui vaut de passer plusieurs années en prison. Puis il repart en URSS. Et le Comintern le charge d'organiser une brigade des Balkans destinée à combattre les putschistes espagnols de Franco. Au sein des brigades internationales, donc. Et lorsqu'il regagne son pays, il devient le leader du PC yougoslave, qu'on appelle aussi la Ligue des communistes yougoslaves. À noter qu'en cette période troublée, Tito a échappé à toutes les purges staliniennes. Ça, c'est assez exceptionnel. Oui, hein, oui, parce que Staline n'aura de cesse d'éliminer tous les dirigeants communistes soviétiques ou européens qui auraient pu lui faire de l'ombre. Mais ça commencera après-guerre en Europe de l'Est, où la plupart des anciens des brigades internationales seront liquidés. C'est exact. Alors, la suite. Ouais. Dès la fin de la guerre, Tito, chef du Parti communiste, s'impose comme le numéro un d'un pays dont la capitale, Belgrade, a été libérée par l'armée rouge. Ouais. Et m'avez-vous dit précédemment, il commence donc par adopter une politique très stalinienne. Et à ce moment-là, son principal mérite, c'est de choisir pour son pays le fédéralisme. C'est-à-dire, pour effacer les tensions nationales, le rassemblement dans l'égalité des six républiques. Qui sont les... La Serbie, bien sûr, oui. La plus peuplée. Ensuite, il y a la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, le Monténégro et la Slovénie. Il existe aussi deux provinces autonomes, la Voïvodine et le Kosovo. La Voïvodine, peuplée en majorité de Serbes, avec une forte minorité de Hongrois, et le Kosovo d'une majorité d'Albanais, mais aussi d'une minorité de Serbes. Oui, mais ce ne sont pas des républiques, hein. Seulement des provinces rattachées à la Serbie. Toutefois, au fur et à mesure du temps, elles bénéficieront de plus en plus de liberté. Ce qui en fera de fait des quasi-républiques dont l'autonomie sera plus tard abolie par Milosevic. Bon, n'allons pas trop vite. Oui. En tout cas, prenant à rebours le centralisme monarchique de l'entre-deux-guerres, Tito va très loin. Non seulement Il a institué l'égalité entre ces républiques, mais leurs habitants ont le droit de pratiquer leur propre langue, y compris dans les actes administratifs et à l'école. Et le serbo-croate, hein? Ah ben c'est la langue commune, celle par exemple qu'on parle dans la capitale fédérale ou au Parlement. Et l'évolution politique? Tito, pendant les toutes premières années de son règne, impose donc une politique très dure, très sectaire. Il en fait même plus que les dirigeants des autres démocraties populaires. Parti unique, suppression des libertés, persécution religieuse, arrestation et déportation des opposants. Mais vous le savez, assez rapidement, Tito va prendre ses distances avec le grand frère soviétique. Et pour Moscou, c'est une véritable trahison. Et dans le monde communiste de l'après-guerre, il n'y aura pas de pire insulte que titiste. Ça sera même pire que trotskiste, c'est dire. En même temps, cette rupture avec Moscou va se traduire aussi par une inflexion de la politique yougoslave. À l'intérieur, d'abord, le régime se libéralise progressivement. Il n'est plus totalitaire, mais autoritaire. Ah oui, petit progrès. Certes, mais ça tranche avec les premières années. Sur le plan économique, le changement est aussi notable. La Yougoslavie adopte l'autogestion. Et abandonne l'étatisation propre au régime communiste. Oui, oui, mais c'est souvent une utopie. Car les dirigeants élus des entreprises autogérées ne disposent pas d'une véritable autonomie financière. Cependant, c'est surtout sur le plan de la politique extérieure que le changement est le plus spectaculaire. Tito rompt avec le camp socialiste. Oui, il choisit celui des pays non alliés. Essentiellement des pays du tiers-monde, ou des colonies qui aspirent à l'indépendance. Inutile de vous dire qu'à Washington, on observe cela avec beaucoup d'intérêt et qu'on est tout prêt à donner un petit coup de main, camarade Tito. Si les guerres des Balkans des années 90 ont suscité l'horreur, il ne faut pas oublier que lors de la Seconde Guerre mondiale, les massacres ont été encore plus nombreux. Et pas seulement du fait de l'occupant nazi. Les oustachis croates ont tué tant et plus de Serbes et de musulmans. Et les tchétniks serbes ont semé la terreur attaquant les oustachis, mais aussi les musulmans et les partisans de Tito. Tito qui en témoigne à sa façon dans ses souvenirs. Je n'oublierai jamais le spectacle à Foča en janvier 1942. Cette jolie petite ville avait été occupée quelque temps par les tchétniks. Quand nous y sommes entrés, nous avons appris qu'ils avaient massacré la population musulmane. Régulièrement, un jour sur deux, un groupe de prisonniers parmi ces pauvres gens était conduit à la mort, on leur coupait la gorge et on jetait leur corps dans la rivière. Au moment où nous traversions le pont, une musulmane m'arrêta et me montrant la rivière me dit « Mon mari est là ». Je regardais au fond et dans les remous de la rivière, je vis un des plus affreux spectacles dont je me souvienne. Là-bas, dans l'eau verte et rapide, il y avait 5 ou 6 corps figés comme des statues de cire. Je donnai aussitôt l'ordre de les retirer de là et de les enterrer selon le rite musulman. En mai, les tchétniks et les Italiens nous chassèrent de Foča et les massacres recommencèrent et cette femme, elle aussi, fut tuée. En pleine guerre froide, l'appui des États-Unis au maréchal Tito était normal. Et les dirigeants soviétiques ne se firent pas faute de le dénoncer. À mon avis, cette aide n'a pas été considérable. Tito, le rebelle, malgré sa dérive présidentialiste ou même autocratique, demeurait un communiste convaincu, bien qu'atypique. Et puis, il convient de le mettre en avant. Le système yougoslave produisait d'excellents résultats. Sur quel plan ? L'économie en particulier. Dans les années 70, on vivait beaucoup mieux en Yougoslavie que dans les autres pays dits socialistes. En même temps, Tito a encore donné un coup de pouce supplémentaire à la décentralisation. Plus d'autonomie pour les républiques ? En effet. Autre décision essentielle. Le gouvernement fédéral a reconnu les musulmans de Bosnie comme faisant partie d'une nationalité à part entière. C'est-à-dire au même titre que les Croates ou les Serbes. Exactement. Ouais. Alors, si je vous comprends bien, dans cette Yougoslavie post-stalinienne, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oh non, je n'ai pas dit ça. Le parti unique continuait de régir le pays. Et le régime soumis à plusieurs vagues de contestations nationalistes ou sociales a réagi comme il se doit dans un état autoritaire. La répression. Et en procédant à des purges et à des arrestations. En 1972, par exemple, un certain Franjo Tudjman, ancien général et historien, est en Bastille. Il s'agit du futur président croate. Hein. C'est ça. Mais il n'empêche que le mouvement de décentralisation se poursuit. En 1974, une nouvelle constitution est promulguée qui octroie encore plus de pouvoir aux républiques. Toutefois, c'est une arme à double tranchant. Pourquoi ? Mais parce que si ces mesures satisfont les aspirations nationales des Croates et des Slovènes, elles accentuent aussi les tendances centrifuges des Serbes, par exemple. Des Serbes qui ont difficilement renoncé à exercer leur ascendance sur la fédération. Ouais, car plus le pouvoir est dilué, et moins les Serbes sont influents. Ah ben c'est évident. Ouais. Et seule l'autorité de Tito arrive à juguler ces manifestations nationalistes. Mais dès ces années-là, il apparaît que la Yougoslavie est un pays malade, ou en tout cas fragile. C'est d'autant plus vrai que le choc pétrolier de 1973 frappe de plein fouet son économie. Mais d'autres pays subissent aussi cette crise. Bien sûr, mais leur économie reposait sur des bases plus solides. Et si apparemment la Yougoslavie tient le coup et continue à investir, c'est au prix d'un endettement croissant. En outre, le chômage ne cesse d'augmenter. Donc, toutes les conditions se réunissent pour que le pays plonge dans la crise ? Malheureusement, oui. Et le maréchal Tito meurt, si j'ose dire, au plus mauvais moment. En 1980, c'est ça ? Oui, et aussitôt dans les républiques, certains élèvent la voix. Qui alors ? De futurs dirigeants dont on ne va cesser de parler durant la future guerre qui s'annonce. Le croate Tudjman, par exemple, il a osé critiquer la représentation excessive des Serbes dans le parti communiste et l'armée. Ce qui correspond à la réalité ? Tout à fait. N'empêche que Franjo Tudjman est à nouveau emprisonné. Mais ça veut dire quand même que le pouvoir fédéral est encore fort. Et les communistes le dirigent toujours, oui. Toutefois, le système mis en place par Tito ne concourt pas à le rendre très efficace. Car selon la Constitution fédérale, le pouvoir est collégial. Et la présidence assurée à tour de rôle pour un an par le représentant d'une république. Alors le chef de l'État change donc tous les ans. Et ce n'est pas un facteur de continuité. Ouais. Cependant, la Yougoslavie fonctionnera ainsi jusqu'à l'orée des années 90. C'est presque miraculeux. Autre nom qui émerge après la mort de Tito. Alija Izetbegović, un avocat bosniaque. Musulman. Et qui va comparaître en justice pour avoir fait une déclaration islamique. Mais c'est au Kosovo que la situation apparaît comme étant la plus explosive. La cohabitation entre les Serbes et les Albanais devient de plus en plus conflictuelle et des émeutes éclatent à l'université de Pristina. Résultat, des Serbes, victimes d'exactions, préfèrent fuir cette province qui aspire à devenir une république et donc à échapper à la tutelle serbe. Car la province du Kosovo, vous l'avez dit, est administrativement rattachée à la Serbie. Même si elle dispose d'une grande autonomie octroyée par Tito. Alors, tous les éléments de la future crise, là, sont donc réunis. D'autant, vous le savez très bien, que pour les Serbes, le Kosovo a une dimension symbolique et même mythique. Ah oui, le fameux champ des Merles. Oui, c'est à cet endroit que les Serbes ont mené une bataille historique contre les troupes ottomanes. Une bataille perdue. En 1389, oui. Et où ont été tués le roi de Serbie, mais aussi le sultan. Une victoire turque qui a permis à l'Empire ottoman de s'installer pour plusieurs siècles dans les Balkans. Et pourtant, paradoxalement, cette défaite est devenue le symbole de la nation serbe. Oui, de sa vaillance. En effet. Et le souvenir de cette bataille ne cessera d'être exalté par la littérature et les chansons populaires. À tel point que, pour les Serbes, le Kosovo est considéré comme étant le berceau de leur nation. Une croyance entretenue par l'Église orthodoxe qui y a édifié de magnifiques bâtiments. Mais, naturellement, la population d'origine albanaise conteste cette vision des choses. Surtout parce que ces Kosovars musulmans prétendent que descendants des anciens Illyriens, ils ont été les premiers habitants de cette province, les Slaves étant arrivés après eux. Vaine querelle sans doute, mais querelle terriblement dangereuse si elle est exacerbée par les nationalistes. Ça va être le cas. Forcément, car d'aucuns vont ouvrir la boîte de Pandore. Qui, là ? Bon, un petit peu de patience, s'il vous plaît. Dès 1986, les dirigeants serbes tentent d'inverser les données démographiques du Kosovo, où 8 habitants sur 10 sont albanais. Comment Ils décident de favoriser l'installation de Serbes au Kosovo. Des mesures incitatives pour l'achat d'appartements ou encore des emplois garantis. Mais dites-moi, ça s'appelle colonisation tout ça? Tout à fait. Et ça va assez loin puisqu'il est même interdit aux Serbes qui veulent quitter la province de vendre leurs terres aux citoyens d'origine albanaise. Ça, c'est plutôt du racisme. Ça y ressemble en effet et ce n'est pas très étonnant parce que derrière ces mesures, il y a une idéologie nationaliste qui a été théorisée au sein de l'Académie serbe des sciences et des arts. D'abord dans le plus grand secret. Et puis rendu public en 1986. Cette pensée-là de l'Académie serbe bénéficie d'une sorte de reconnaissance officielle. C'est certain. Et elle est portée par un écrivain qui jouit d'un grand prestige en Serbie. Dobrica Tsiović, un homme qu'on appelle le Tolstoï serbe. Ouais, pas moins, ouais. C'est pourtant cet humaniste qui va distiller le poison de la haine et influencer un certain Milosevic. Dobrica Tsiović est en effet l'un des écrivains serbes les plus connus et les plus influents. On l'a même proclamé guide spirituel de la nation serbe. Ancien compagnon et protégé du maréchal Tito, il a néanmoins été exclu en 1968 du Parti communiste pour nationalisme après avoir traité les Kosovars albanais de séparatistes. Je laisse la suite à Florence Hartmann, auteur de Milosevic, La diagonale du fou, publié chez Folio. L'homme au profil d'épervier et au regard de hibou entrait alors en dissidence et se fit le chantre de la nation serbe. 6 mois après son exclusion du parti, il rêvait de dépecer le Kosovo. Dans son journal intime, à la date du 29 novembre 1968, il écrivait que le partage de la province serait sans doute la meilleure solution si les Serbes, en raison de leur infériorité numérique, ne pouvaient plus être maîtres du Kosovo. Dobrica Tsiović garda son projet secret. Il savait que l'opinion serbe n'était pas disposée à renoncer au moindre arpent de cette terre sacrée. Et surtout, il nourrissait encore l'espoir de voir les Serbes soumettre les Albanais et restaurer leur domination sur l'ensemble de la province. En 1977, il se fit remarquer à l'occasion de son discours d'investiture à l'Académie des sciences et des arts de Serbie. Celui que la presse appelait le Tolstoï serbe, avait alors affirmé que le peuple serbe avait toujours gagné la guerre et perdu la paix. Il avait exalté le mythe du peuple serbe martyr, toujours prêt à se sacrifier pour la liberté, mais finalement toujours perdant et soumis en temps de paix. La pensée nationaliste et même xénophobe de Tsiović a donné lieu à une véritable croisade identitaire qui a d'abord fait florer chez les intellectuels serbes. À la tribune de l'Union des écrivains, est même née l'idée d'une pétition dénonçant le prétendu génocide des Serbes au Kosovo. Pétition qui réunit très vite 100 000 signatures. Ah, c'est un mouvement de fond, là. Et qui va être suivi par cette autre initiative que j'ai évoquée, la rédaction par les académiciens serbes d'un mémorandum destiné à demeurer secret, mais qui filtrera rapidement dans la presse. Ouais. Et c'est encore là ce Tsiović qui est à la manœuvre. Indirectement, oui. Alors, qu'y a-t-il là dans ce mémorandum ? Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais en gros, ça tient en quelques points. Premièrement, les académiciens affirment que les Serbes sont en état de minorité dans la fédération. Pire, ils sont exploités par les autres nationalités et il n'est nullement tenu compte des sacrifices que les Serbes ont consentis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, la Serbie a perdu la souveraineté sur son propre territoire. Implicitement, c'était donc d'abord une condamnation du fédéralisme yougoslave. Et de la politique titiste telle qu'elle avait été menée jusque-là, oui. C'est pas étonnant, puisque Tito était un Croate et donc considéré comme un ennemi naturel des Serbes. Mais derrière ce texte, il y avait en réalité l'expression d'une revendication grand serbe. C'est-à-dire la volonté de construire une grande Serbie au-delà des frontières de la République serbe. Exactement. Mmh. Une politique expansionniste, donc. Absolument. Mmh. Pour ces gens-là, même si ça n'était pas dit ouvertement, toute portion de territoire de la Yougoslavie où vivaient les Serbes devait être considérée comme un morceau de Serbie. Ouais. Alors Milosevic, lui, face à ce mémorandum. Un mémorandum qui a provoqué un véritable choc dans l'opinion publique serbe. Donc vous me demandez, Milosevic ? Bon, à l'époque, au milieu des années 80, c'est déjà un dirigeant bien en place au sein de la Ligue des communistes de Serbie. C'est même l'un des bras droits du président serbe, Ivan Stambolic, un homme qui est son mentor politique. Un mentor dont il se débarrassera d'ailleurs à la première occasion. Ouais, parce qu'il veut devenir calife à la place du calife. Naturellement. Milosevic est l'un des hommes politiques auxquels Tsiović demande un avis sur la politique qu'il préconise. Mmh. Réaction de Milosevic ? Il est très circonspect. Son épouse, Mira, qui est aussi sa principale conseillère, lui recommande la plus grande prudence, car le mémorandum, s'il bénéficie d'un accueil positif dans la population, est vivement critiqué dans les médias. Ouais, parce qu'il remet en cause la politique de Tito. Mais il n'empêche que la profession de foi nationaliste de Tsiović et des académiciens qui ont rédigé le mémorandum intéresse Milosevic. Parce qu'il est nationaliste, lui aussi ? Pas plus que ça. N'oublions pas que c'est d'abord un communiste. Théoriquement, en tout cas. Et donc il devrait être opposé au mémorandum. Bien entendu. Mais ce qu'il voit presque aussitôt dans cette faveur grandissante du nationalisme serbe, c'est un moyen efficace de s'emparer du pouvoir. Alors, selon vous, là, c'est avant tout, Milosevic, c'est avant tout un opportuniste, un ambitieux. Et un politicien sans grande conviction personnelle et qui use en permanence du double langage. Ouais. Exemple. Milosevic s'abstient de critiquer publiquement le mémorandum, mais dans le secret des réunions des instances supérieures du Parti communiste, il ne se prive pas de dénoncer ce texte qui remet en cause tous les acquis du titisme. Ouais, double langage, double jeu. Oui, car il laisse la critique publique aux autres dirigeants, mais bientôt il va abattre son jeu. Quand ? Au début de l'été 1987, à l'occasion de l'anniversaire de la fameuse bataille du Champ des Merles. Slobodan Milosevic y prononce un discours à la Maison de la Culture devant une foule très nombreuse. Et déjà, perce des accents incontestablement nationalistes. Il y affirme, en particulier, qu'il faut soutenir les Serbes du Kosovo en but à l'hostilité de leurs concitoyens albanais. Puis il récidive tout au long de l'automne en prenant la parole au cours de meetings qui rassemblent des milliers de personnes. Une sorte de campagne électorale. Ça y ressemble. Ouais. Et fin 87, Milosevic arrive à ses fins et se débarrasse de tous ceux dirigeants politiques ou directeurs de journaux et de la télévision qui font obstacle à son ambition. Milosevic accède au poste de numéro 1 de la Ligue des communistes serbes. Autant dire qu'il est maintenant le patron de la Serbie. Mais ça ne lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est diriger la fédération yougoslave tout entière. Et là encore, c'est l'arme du nationalisme qu'il va utiliser. Mais n'allons pas trop vite. Ouais, c'est la deuxième fois. Hein. Quoi ? Rien, poursuivez. Tout au long de l'année 1988, il poursuit sa campagne de meeting. Et il ressasse le thème du danger qui menace les Serbes du Kosovo. Par ailleurs, il faut noter que dans les autres républiques de la fédération, le nationalisme serbe fait écho. Et en suscitant la résurrection d'autres nationalismes. Oui, en Slovénie, en Croatie, au Monténégro. Toutefois, grâce à sa position dominante au sein de la Ligue des communistes yougoslaves. Mais alors, là, c'est au niveau fédéral, hein. Oui, donc grâce à son influence, Milosevic réussit à faire désigner au Monténégro et en Voïvodine des hommes qui sont proches de lui. Alors apparemment, tout lui réussit, hein. Et son exaltation du nationalisme serbe remporte un énorme succès. Les manifestations de foule se multiplient, et comme la presse et les intellectuels lui sont acquis, c'est une véritable vague populaire qui le porte maintenant. Une vague qui déborde des frontières de la République pour gagner les régions de la Fédération où demeurent des Serbes. Voilà. Là, c'est l'esquisse de la réalisation du projet de Grande Serbie. Assurément. En tout cas, dès 1989, tout en restant numéro un du parti, Milosevic est élu président de la Serbie. Quoi qu'il en soit, cette année 1989 va être capitale dans l'histoire des guerres qui vont suivre et de l'implosion de la Yougoslavie. Au mois de février, des incidents éclatent au Kosovo. Grève de mineurs, contestations étudiantes, l'armée intervient. Et les autorités serbes décident de changer unilatéralement la constitution en supprimant l'autonomie des deux provinces, Vojvodine et Kosovo. Un retour en arrière. Mais un retour inacceptable pour la population albanaise du Kosovo. Cependant, c'est surtout la date du 28 juin 1989 qu'il faut retenir. Ce jour-là, on doit commémorer le 600e anniversaire de la bataille du Champ des Merles. Et Milosevic a décidé d'en faire une cérémonie symbolique, célébrant le renouveau serbe. Une foule énorme l'acclame dès qu'il descend de son hélicoptère. Et si je me souviens bien, la cérémonie était parfaitement organisée. Et les médias étaient mobilisés en masse. Ouais. Ouais. Pour célébrer Slobodan Milosevic, l'homme providentiel. Et surtout, le dirigeant qui allait rendre aux Serbes leur dignité. Son discours en même temps a été très menaçant. En tout cas, très volontariste et provocateur. Milosevic n'a pas hésité à dire aux manifestants serbes qu'il était là pour leur permettre de prendre une revanche sur l'histoire. Il a clairement laissé entendre qu'il n'hésiterait pas à lancer son peuple dans de nouvelles batailles, sans exclure des luttes armées. Et dans cette hystérie nationaliste, il y avait là, en germe, tous les malheurs futurs de la Yougoslavie. Et alors, comment réagir les Kosovars albanais? Ce jour-là, terrorisés, ils sont restés cachés chez eux, tandis que Milosevic triomphait. Mais ce qu'il faut souligner, et qu'on n'a peut-être pas assez pris en compte sur le moment, c'est que Milosevic s'adressait à tous les Serbes. Tous les Serbes, et pas seulement aux Serbes de Serbie ou du Kosovo. En effet. Était-ce un un appel à la rébellion de ces Serbes installés en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine. Oh, ça n'apparaissait pas aussi clairement, mais c'était en filigrane, car le rêve de la construction d'une grande Serbie était implicite. Et cela voulait dire que les nationalistes les plus convaincus envisageaient déjà de procéder dans les territoires reconquis à un nettoyage ethnique, ce qu'on appellera plus tard la purification ethnique avec son cortège d'horreur. Mais nous verrons cela prochainement, car à partir de cette grande messe nationaliste du Champ des Merles, les événements vont s'accélérer. Purification ethnique. Monsieur X a prononcé le mot, ou plutôt l'expression. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette idée n'était pas neuve. Et elle est née dans les Balkans même. Cette notion a même été théorisée en 1937 par un certain Vasa Kubrilović, géographe, historien et plusieurs fois ministre yougoslave. Au XXe siècle, seul un pays peuplé par son propre peuple peut assurer sa sécurité. Ainsi, nationaliser le Kosovo veut dire enterrer à jamais tout irrédentisme, s'assurer pour toujours le pouvoir sur cette terre. Il est impossible de refouler les Albanais par la seule colonisation, la seule manière et le seul moyen de les refouler est la force brutale d'un pouvoir d'État organisé au sein duquel nous les avons toujours dominés. Si, de 1912 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas obtenu de succès dans notre lutte contre eux, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Il ne saurait être question d'une assimilation de leur part à notre avantage, au contraire. S'appuyant sur l'Albanie, ils sentent leur sentiment national se ranimer, et si nous ne réglons pas leur compte avec eux en temps voulu, dans 20 ou 30 ans, nous serons confrontés à un irrédentisme farouche. Il ne reste alors qu'une seule voie, leur expulsion en masse. J'ai trouvé cette citation dans le livre de Stéphane Rosière sur le nettoyage ethnique, un ouvrage publié par Ellipse. À noter enfin que les Oustachi croates n'ont pas agi autrement au cours de la Seconde Guerre mondiale puisqu'ils expulseront ou anéantiront des dizaines de milliers de Serbes.